François Morel, depuis le Musée de l'Homme, c'est à vous. Oui, d'abord un scoop, je tiens à le dire, je viens de l'apprendre à l'instant. Laurence Bloch, directrice de France Inter, est allée chez le coiffeur. Si le dessinateur... Elle vous écoute aussi, elle vous écoute. Et elle me voit. Et elle vous convoque à la comptabilité juste après. Allez-y, François. Si le dessinateur Tinius n'avait pas été tué sur le champ d'honneur de la liberté d'expression, il aurait fallu le mettre en prison, au pain sec et à l'eau pendant au moins 8 mois ferme. C'est ce que je me disais en feuilletant le superbe album anthologique qui lui est consacré aux éditions du Chêne. Il fallait le mettre à l'ombre, au trou, en cabane, en tôle, au newf, au fer, cet intrépide illustrateur de panda dans la brume. Parce que Tinius était un saboteur. Il sabotait l'action des talibans, des policiers tortionnaires, des sportifs dopés, des politiciens véreux. Autant dire que Tinius était un type très dangereux qui, par son talent, continue à provoquer la réflexion. Car non seulement Tinius était un saboteur, mais il était aussi provocateur. Un peu comme Eri De Luca, poursuivi pour incitation au sabotage après avoir utilisé ce mot à propos du chantier du tunnel ferroviaire entre Lyon et Turin. Je donne la définition du verbe saboter à l'usage du procureur de Turin qui a requis 8 mois de prison ferme pour Eri De Luca. Saboter, ça peut vouloir dire en effet détériorer ou détruire volontairement quelque chose. Vous avez raison, monsieur le procureur, mais je vous fais remarquer que ça peut vouloir dire aussi agir de manière à provoquer l'échec d'une action, à la neutraliser, à la torpiller. Comme vous le savez, monsieur le procureur, Eri De Luca est écrivain. Il connaît le sens des mots et comme on l'imagine peu crapahuté dans la montagne avec une barre à mine et de la dynamite pour détruire une voie ferrée, on le voit bien en revanche manier des outils comme la métaphore, l'hyperbole, la figure de style derrière son stylo, son ordinateur, pour dire ce qu'il a dans la tête et sur le cœur. Eri De Luca pense que percer des montagnes pleines d'amiante, c'est empoisonner une vallée entière, c'est provoquer de manière irréversible le tarissement des sources. Oui, c'est saboter toute une région. C'est son droit, c'est peut-être même son devoir de poète et de citoyen que de s'opposer aux agissements de divers banquiers, affairistes, bétonneurs en tout genre. J'aimerais bien avoir l'avis des pandas géants de Tinius qui croquent des bambous en attendant leur extermination, organisés par des êtres prétendument humains, toujours plus conquérants, toujours plus destructeurs. Lorsqu'il existe des catastrophes écologiques, comme il y a peu, on pleure les morts coincés dans les parkings, tués dans des inondations, et on évoque à peine le bétonnage à outrance qui a occasionné ces catastrophes. Lorsque des dessinateurs meurent sous les balles de la bêtise et de la barbarie, on organise de grandes marches pour soutenir la liberté d'expression. Moi qui suis Charlie, pas plus que ça, quand il confond bêtement la connerie et la trisomie, je ne suis pas loin d'oser dire, si je ne trouvais pas l'expression un peu trop immodeste, un peu trop présomptueuse, je suis Eri De Luca. François Morel. Merci beaucoup, François.